Chapitre 3e. Une route admirable conduit de Glorup à Middelfart à travers lacs, villages, champs de blé, d'orge, d'avoine, arbres et prairies. Ce trajet de 20 lieues, monsieur de Moltke et moi, nous l'avons fait en quelques heures. Il est charmant de séjourner une soirée à Middelfart, cette ville forestière et maritime. Une promenade en voiture dans les grands bois et une promenade en bateau dans le petit belt, voilà deux mirages que l'on n'oubliera jamais. Nous nous sommes donné ces doubles joies et nous sommes revenus sur nos pas jusqu'à Odensee. Le ciel était plus pâle qu'en France. Les nuages aussi étaient plus solides. Des déchirures de ces nuages tombaient parfois des cascades de lumière et la campagne était transformée sous des reflets capricieux et métalliques, tantôt de cuivre, tantôt d'argent, tantôt d'étain. Ces flamboiements sur les paysages et sur les longues vapeurs qui traînaient en blanchissant à la pointe des herbes communiquaient à toute la nature une poésie fantastique indescriptible. C'est par un de ces éblouissements de l'atmosphère que nous avons entrevu Holston House, l'une des résidences du baron de Holston Carisius. Le baron de Holston est un noble vieillard, dont la physionomie est fine, le cœur bienveillant et la conversation aimable. Indépendamment de son fief près de Odensee, il a d'autres fiefs en Jutland et en Fionie, un particulièrement à Faaborg, d'où la Baltique avec ses îles a l'aspect d'un firmament avec ses étoiles. Arrivés à Odensee vers 11 heures, nous nous sommes reposés un peu dans un très beau salon de l'hôtel de la Poste. Nous avons été ensuite à la cathédrale. Elle fut bâtie du 11e au 16e siècle. Elle est d'un gothique très léger et très lyrique. Elle a des tribunes comme un théâtre. Cette disposition architecturale témoigne de l'aristocratie d'Odensee. Tandis que la bourgeoisie prie dans les stalles, la noblesse prie dans les tribunes. Il y a la tribune royale, la tribune épiscopale, la tribune du gouverneur militaire, la tribune des Rantzau, la tribune des Hasfeld. Ce sont encore, c'était surtout autrefois, les inégalités d'une cour dans la maison de Dieu et tous les degrés de l'orgueil humain dans le temple de l'humilité chrétienne. Les chapelles sont très curieuses. Il y a d'abord la chapelle de Hasfeld qui renferme des tombeaux en bronze sculpté, des armures en acier et des sépultures de marbre d'un goût barbare très original. La chapelle des Valkendorf contient une bière de bois ciselé où la femme semi-officielle de Christian IV, Christian Munk, a été embaumée. Mon hôte, qui était mon guide et devant qui tombaient tous les obstacles, m'a amené à cette bière, l'a fait ouvrir et j'ai pu contempler sous les voiles de la mort celle que Christian IV, appelé ici le Béarnais du Danemark, a le plus aimé. Elle est admirablement conservée. Ses mains, malgré les plis du temps et du trépas, sont fines, délicates, artistiques. Elle eut de Christian 6 filles et 3 fils, dont aucun ne régna. Les bas-reliefs au-dessus du sépulcre de Christian II, un comte de Rantzau buriné en granit sur les dalles, et une plaque d'airain travaillée, derrière laquelle sont les os d'un prince canu assassiné, mérite encore d'être examiné dans cette église. Nous avons fait le tour du palais, dont les jardins seuls sont dignes de l'attention du voyageur. Nous avons erré longtemps sous les grandes ombres des tilleuls et des peupliers, puis nous avons descendu le faubourg du canal. Ce canal, un débouché jusqu'à la mer, est fort intéressant. Rien de plus pittoresque, de plus frais que ces courbes de verdure. Il ne faut pas manquer d'en suivre les bords pendant une demi-lieue. Les vaisseaux passent, repassent avec les voiles au vent, et leurs mâts font frissonner, en les touchant, les ormes, les bouleaux et les hêtres des rives. C'est par ce canal que s'écoulent en partie les moissons de l'île. En revenant vers la ville, nous apercevions la flèche de la cathédrale, à travers les cordages des navires, et l'édifice religieux paraissait un vaisseau de plus à l'ancre. Cette cathédrale, vue du petit pont, et s'élevant de la rivière vers le ciel avec ses masses rouges et ses toits de métal, par toutes les spirales des verdures d'une presqu'île humide, offre, dans un contraste surprenant, le spectacle de jeunes fécondités de la végétation pressant de leurs flexibles rameaux la vétusté la plus monumentale des traditions. Nous nous sommes arrachés à cette perspective et nous avons exploré la ville rue par rue, maison par maison. Elle est partout en fête, cette ville, et c'est un jour ordinaire. C'est le moins brillant de ces jours. Cependant, elle nous rit de toutes ses façades, grise, blanche, brune, verte, rose, lilas. Il y a des maisons neuves et des rues neuves en ligne droite. Il y a de vieilles rues et de vieilles maisons en ligne brisée. On reconnaît sans peine ce qui appartient aux ingénieurs, aux architectes modernes, et ce qui appartient au passé le plus reculé, le plus lointain, le plus mystérieux. Odensee était une cité qu'aucune pierre de Copenhague n'avait encore été tirée de la carrière. Avant que la capitale de la Zélande fût nommée, Odin avait fondé la capitale de la Fionie de son gantelet de conquérants et de héros. Le caractère distinctif de cette capitale, de cette oasis de briques et de pierres, dans une île d'émeraude, au milieu d'une mer d'azur, c'est la propreté des maisons, des rues, des ruelles, des carrefours. Cette propreté est si exquise qu'elle n'apparaît pas seulement comme une élégance, mais comme une vertu. On se sent touché de respect pour ce peuple. Après avoir bien observé cette ville jusque dans ses faubourgs les plus reculés, cette ville sans boue et sans tache, cette ville dont l'hermine pourrait être l'emblème, j'ai conclu que les femmes y devaient être relativement plus chastes et les hommes plus honnêtes, tant il y a d'affinités secrètes entre ces recherches, ces lustrations, ces sollicitudes universelles de propreté et la pureté morale des âmes. Mais Odensee ne s'en tient pas là. Son doux génie ne se contenterait pas de si peu. Elle réalise la poésie de l'ordre. Elle transforme ses rues en jardins, ses maisons en serres. Toutes ses fenêtres, au rez-de-chaussée, au premier et au second, quand il y a un second, sont parées de 100 000 pots de fleurs, au moins. Les caisses de roses, d'œillets, d'héliotropes, d'hortensias, de réséda, de fuchsia, de giroflées, s'épanouissent partout, au-dedans, au-dehors, à tous les étages, sur tous les seuils, à tous les balcons, dans tous les recoins. Et des cages s'encadrent au treillage, devant ou derrière les vitres, à travers les merveilles de ces parterres aériens. Cette ville laisse au cœur une impression ineffable. On emporte de ses communications avec elle un rêve d'amour voilé, des myriades de parfums et de chants, le souvenir et l'aspect d'un idéal immaculé. Odensee est parmi toutes les cités la cité vierge. On appelle la Fionie le jardin du Danemark. À tous les titres, Odensee en est bien légitimement la capitale. Le ciel est bleu, l'étang est rose sur les premiers feux de l'aurore, les cygnes tracent leur sillage sur l'eau qui frissonne et sous les grands arbres qui frémissent. À 8 heures, nous partons pour Swedenborg, dont nous devons visiter les rivages. Il y a là, dit-on, des forêts sur les côtes et dans la Baltique un archipel d'une beauté incomparable. La journée a été admirable. Je voudrais en fixer le souvenir. Je me bornerai à un récit bien simple, car la meilleure manière de célébrer de telles impressions, c'est seulement de les raconter. Nous nous sommes mis en route par l'une des allées de l'étang. Nous avons traversé les jardins, d'où les fleurs nous envoyaient par bouffer leur parfum. Nous avons gagné le parc. Les cerfs, les biches, les faons y jouaient au milieu des lumières et des ombres de la forêt. Leurs troupes successives et nomades étaient ordinairement de 10 ou 12. J'en ai compté jusqu'à 53 ensemble. Du parc de Glorup, nous sommes entrés dans les bois du fief, et par d'autres bois, les bois de Brenderup et de Molrup, nous avons atteint le charmant village de Tved, d'où nous avons continué jusqu'à Swedenborg. En 2 heures, nous avons franchi 8 grandes lieues avec les chevaux du comte de Moltkes. C'est lui qui dirigeait notre petite caravane, et nous nous en sommes bien trouvés. Nos 3 voitures se sont arrêtées sur la hauteur de Swedenborg, où nous sommes descendus. Pendant qu'on les conduisait à l'auberge, nous parcourions ce plateau merveilleux qui domine la ville, dont les toits rouges s'étagent en pente douce jusqu'à la mer. L'horizon était immense en étendue, en variété. Les îles émergeaient des grandes eaux. La Baltique n'a rien de plus charmant, de plus exquis, de plus magique, de plus riant, de plus sublime que cet archipel qui verdit de toutes parts au milieu des vastes flots bleus. Ces flots, c'était la mer que nous contemplions d'une île, de l'île de Fionie, et c'étaient d'autres îles qui végétaient, qui fleurissaient dans l'amplitude de cette mer féconde. Des îles et des îles surgissaient auprès et au loin. C'était d'abord l'île de Tassing, puis au-delà, Strino et Strinokalv, puis à notre gauche, Turo, Langland et Laland, puis à notre droite, Skaro, Dreio, Als, Euro, Avernaco, Yorto, en tout 13 îles, dont quelques-unes, telles que la Fionie, Laland, Langland, seraient de petits royaumes. La Fionie a 200 000 habitants. Laland en a 60 000 et Langland 20 000. Als en compte 18 000 et Tassing 5 000. Nous avons glissé par les sinuosités des haies, parmi les bluets, les coquelicots et les marguerites, jusqu'au rivage. Des bateaux pavoisés étaient prêts. Nous avons navigué d'île en île, de golfe en golfe, dans les labyrinthes de l'archipel cher au dieu Thor. Le firmament d'Odin était sur nos têtes, la mer d'Egir était sous nos pieds. Nous avions partout des relais d'eau et de terre. Nous nous embarquions et nous débarquions tour à tour. Nous passions des voitures aux bateaux et des bateaux aux voitures. Deux repas, à 6 heures de distance, nous ont été servis, l'un dans l'île de Tasingen, l'autre dans l'île de Fioni, à l'abri du soleil et du vent. Tout avait été transporté par un fourgon de Glorup. Vin, gibier, pâté de chevreuil, gâteaux et fruits. Les perspectives de la mer et des îles nous enchantaient à la fois les yeux et l'imagination. Les bois de chênes et de frênes, les bouquets de saules et les forêts de hêtres, dont les murmures s'harmoniaient aux murmures des vagues, couvraient les collines et s'avançaient de déclivité en déclivité jusqu'à la mer. Rien de plus féerique. Les grands arbres poussaient leurs rameaux et leurs racines au-dessus et au-dessous des fjords. Les navires à voiles fendaient les flots, et leurs sommets mobiles se confondaient dans des circonvolutions inexprimables avec les clochers des îles. Les toits de chaume ou de tuiles sortaient des feuilles, les cordages et les pavillons des vaisseaux sortaient des anses. C'était un songe, et pourtant c'était une réalité. C'était un mariage de la terre et de la mer dans toute leur splendeur, dans la fête des charrues et des filets, où les moissonneurs pouvaient donner la main aux pêcheurs et aux matelots. L'île qui m'a le plus ravi après notre île de Fioni, c'est celle de Tasingen. Elle appartient à la maison de Joël. Elle est le prix, pour cette famille, de l'héroïsme et de la gloire. Elle était d'abord un domaine de la couronne de Danemark. Christian IV y avait fait bâtir un château pour son fils Valdemar, l'un des enfants qu'il avait eu de Christine Munk. Le roi avait pour ce prince la plus tendre prédilection. Il avait voulu le marier à l'une des filles du grand-duc de Moscovie, qu'il espérait rattacher par là plus facilement à une ligue contre la Suède. Cette union, qui aurait assuré le bonheur de Valdemar et la prépondérance du Danemark contre le cabinet de Stockholm, manqua cruellement par la mort prématurée du jeune homme. Le château de l'île de Tasingen a conservé le nom romanesque et tragique de Valdemar. Avant de nous acheminer vers ce monument, nous avons côtoyé la mer avec des chevaux frais et nous avons gravi la colline de Brenningen. L'église de cette colline est le Westminster des Joël. Les tombeaux de cette famille, en énormes pierres grises, sont rangés par date sous leur voûte féodale dans leurs caveaux aériens. Les perspectives de mer et de terre qui s'ouvrent du haut de Brenningen sont plus belles peut-être que les horizons de Svendborg. Ce n'est pas sans effort que nous nous sommes arrachés à ces spectacles et que nous avons repris notre odyssée à travers l'île. Nous sommes arrivés par les blés et par les bois au château de Valdemar. Le nom seul de ce château est pathétique. Le fils favori de Christian IV, pour qui cette résidence avait été faite, n'eut d'autre palais qu'un sépulcre. Son père le pleura dans des transports de douleur. De sa chambre, il regardait les vagues et il sanglotait si violemment que des deux rugissements, celui du roi et celui de la mère, c'était le rugissement du roi qui était le plus terrible. On a dit bien des fois que Christian IV est le Henri IV du Danemark. Rien n'est plus vrai. Il était brave et diplomate. Il gagna la bataille de Kalmar sur les Suédois en 1611. Il ne se contentait pas de commander ses armées, il commandait souvent ses flottes. En 1644, dans un combat naval, une balle, détachant en éclats de bois, lui creva l'œil droit. Le sang jaillit, Christian tomba. Une voix dit « Le roi est mort ». « Non !» cria le blessé en se relevant. « Le roi n'est pas mort, et il continuera de faire son devoir. » Ses chirurgiens le pansèrent sur le pont où il resta pour donner ses ordres. Le triomphe fut indécis. Ses traités, qu'il rédigeait lui-même, valaient des victoires. Sa popularité était immense parmi les laboureurs, les soldats et les marins. « Camarade, dit une vieille chanson zélandaise, Christian de Danemark s'ennuie dans sa cour. Il n'est joyeux que dans la fumée du canon. Alors, nous aussi, nous sommes de bonne humeur. » Et l'ennemi fuit en criant « Sauf qui peut, le voilà le roi Christian !» Ce prince chevaleresque et négociateur était fort économe. Il veillait aux dépenses de sa cuisine, de sa garde-robe et de ses bâtiments. Il était son principal intendant à lui-même. Il s'acquittait de ses propres mains envers ses ouvriers et ses serviteurs. Il avait les goûts magnifiques, malgré sa parcimonie qu'il tenait pour une vertu, la vertu de l'ordre. Il n'épargnait rien dans les occasions. Il avait des vaisseaux excellents, des palais splendides. Il payait bien ses armées et ses escadres. Il avait dans l'âme et dans l'imagination de la grandeur. Il avait aussi de la bonté. On connaît son fameux édit de 1627. En pleine guerre, il défend à tous les seigneurs, généraux et officiers, d'inquiéter ou de laisser inquiéter les commerçants et les moissonneurs, les habitants des villes et des campagnes. et comment prescrit-il la discipline, une discipline exacte? Il la prescrit sous peine de mort. J'ai considéré affectueusement son portrait dans l'île de Tassingen, au château de Valdemar. Le roi est sur son célèbre cheval noir. Il marche certainement à l'ennemi avec cet air martial. Il est de grande taille. Son nez est aquilin, son front vaste. Ses yeux et sa bouche sourient au péril. Toute sa physionomie respire la franchise et la confiance. C'est un héros encore plus qu'un roi. Quelques jours avant ma visite au château de Valdemar, j'avais rencontré près de Nyborg un bataillon que plusieurs officiers précédaient à cheval. Les soldats chantaient en chœur une sorte de Marseillaise. Je demandai à mon compagnon quel était ce chant. « C'est le chant national, le chant de Christian IV, » me répondit-il. Le roi Christian est debout sur son vaisseau la Trinité. Il est debout près du mât, dans le tourbillon et dans la fumée. Vive le roi Christian à l'abordage. Il agite son épée d'une telle façon qu'il fend les casques et les têtes des Suédois. Il tombe les gouttes sous le feu et sous le glaive. Ceux qui ne tombent pas s'enfuient. « Sauvons-nous » crie-t-il. « Sauvons-nous ! C'est le vaisseau la Trinité, et c'est le roi qui en est le capitaine, le roi Christian de Danemark. » Nous avons prêté l'oreille, même après que le bataillon avait passé. La voix mâle et fière de l'homme alternait avec les rugissements de la Baltique. Elle exprimait, cette voix, un enthousiasme des poitrines qui luttait de beauté avec la voix profonde de la mer. Cette rencontre et ce chant me revenant en mémoire devant le portrait du roi Christian m'ont fait comprendre comment il y a dans la vie des nations des souvenirs qui sont des talismans et comment, à l'heure d'un suprême danger, le roi actuel de Danemark n'aurait, pour le conjurer, qu'à prononcer les paroles de son aïeul d'héroïque mémoire « Mon bon peuple, voici l'ennemi. S'il ne nous connaît pas, nous lui apprendrons qui nous sommes. Nous le lui apprendrons sur terre et sur mer. » Et ces paroles doteraient les fastes danois de nouvelles journées d'Ichtet et de Fredericia, ou de dévouement comme celui qui a immortalisé le nom de Hitfeld. C'était en 1710, sous Frédéric IV, Hitfeld montait le Dannebrog. À 4 lieues de Copenhague, il fut assailli par les Suédois. Il était à l'avant-garde, entre les deux flottes. Le vent soufflait dans la direction des Danois. Le feu ayant pris au Dannebrog, le navire étant tout en flammes et le combat engagé, Hitfeld fit jeter l'ancre de peur que son vaisseau ne dérivât sur la flotte danoise. Plutôt que de l'embraser ou d'y répandre le désordre dans un tel moment, il renonçait à tout secours. En même temps, il refusa de se rendre aux Suédois. « Mes compagnons, s'écria-t-il, l'occasion est belle. Mourons pour le Danemark, mourons avec le Dannebrog. » Il avait 700 hommes d'équipage, pas un ne réclama. Hitfeld, donc, intrépide au milieu de ses marins intrépides, continua de foudroyer les Suédois jusqu'à ce qu'il sautât. Mais rentrons au château de Valdemar. Dans une autre salle, je trouve le portrait d'un autre héros, d'un héros de mer encore, Seniels, Nicolas, Joël. Il fut le ruiteur du Danemark sous Christian V, le petit-fils de Christian IV. Indépendamment de ses triomphes d'Hollande et de Kjøbukt, il a la plus belle vie de marin. Il défendit Copenhague, livra des combats sans nombre, coula des navires, prit des places formidables, équipa, disciplina des flottes qui furent l'honneur du Danemark. Le vaisseau amiral, le vaisseau de Niels Juel, était toujours le point de mire de l'artillerie ennemie. Dans la journée de Kjøbukt, ce vaisseau, criblé de boulets, attaqué par 6 vaisseaux suédois, allait sombrer. « Messieurs, » dit Niels Juel à ses officiers, « le Christian V a été une noble cible. « Faites avancer le Frédéric III. Nous serons bien partout, sous le drapeau du Danemark. » Et changeant de vaisseau, sans changer de tactique, calme sous la mitraille, il demeura maître de la fortune comme de lui-même, l'intrépide Niels Juel. Christian V ne savait comment le récompenser. Il le fit chevalier de l'éléphant, grand amiral, et lui donna l'île de Tassingen, qui était un domaine royal. Depuis cette époque, l'île de Tassingen est la propriété des Juel. L'église de Brenningen, leur Westminster, et le château de Valdemar, leur palais. Ce château est plein de l'amiral. On nous a montré le grand coffre armorié, où son linge et ses uniformes étaient serrés dans sa cabine durant ses expéditions. Le meuble où l'on disposait sa pharmacie est aussi fort curieux. Le tableau ancien qui représente la décisive rencontre de Kjøbukt m'a retenu longtemps. Il y a plusieurs portraits de l'amiral. Dans l'un de ses portraits, il est en habit de gala avec le cordon bleu de l'éléphant. Je l'aime mieux dans les autres, sa grande épée au côté, ses pistolets à la ceinture, revêtus de buffles et de fer. Là, sa chaîne d'or est son seul ornement. Il a le teint coloré, le visage mâle, le regard vif et hardi. Son attitude est solide, son corps robuste, son geste commande. Il brave les dangers, il méprise la mort. Voilà comment il a conquis tant de territoires à sa patrie, tant de renommée pour lui et pour sa maison, cette île de Tassing. Le château de Valdemar, qu'il a fait sien, ressemble à un vaisseau à l'ancre. La mer le baigne de toutes parts. Je ne puis m'assouvir de la regarder, cette belle mer, qui change de couleur au moindre rayon et de mouvement au moindre souffle. Elle se calme, elle s'agite, elle se gonfle, elle se roule, elle s'élance. Elle est verte, bleue, jaune, grise, terne, lumineuse, tour à tour. Elle est parfois d'ardoise, dans ses profondeurs et d'argent, au sommet de toutes ses lames. Elle murmure, elle gronde, elle mugit. Elle éclate en tonnerre de bruit et en éclairs d'écume. Toute la théologie scandinave s'y plonge et s'y replonge dans une tempête d'images, de foudre et d'émotions. Je gravis, je descends, je vais de la chapelle au théâtre, du théâtre aux fenêtres, au balcon et au grand escalier de pierre du château. Il faut pourtant le quitter, ce lieu sublime et sombre, charmant et fascinateur. Une des barques est là, qui nous transporte entre les îles de Turo et le Langeland jusqu'en un bois de l'île de Fioni. Je sentirai toujours dans mon âme l'impression de la Baltique et de ses îles. Je n'oublierai ni Svendborg, ni Brenninge, ni le château de Valdemar. Exquise contrée, dont la double influence est de vous absorber d'abord, puis de vous inspirer le dédain de tout ce qui ne lui ressemble pas en beauté, dans l'ordre intellectuel et moral.